chouette copine s'est fait tringler par 65 Sénégalais. On la surnomme la roulette, mais elle n'est vraiment pas si bête. Dans ma cité, elle est connue, c'est évolu, mais y en a plus. C'est vrai que ça s'use dans son calfouette, on regrette bien sa barbichette. Elle tire ailleurs avec ses artilleurs. Elle comprend rien, car je lui ai dit de dégager, tirer ailleurs. Sur ses larmes qu'elle a compris, et paraît qu'elle baigne dans le bonheur. Pour passer le temps, la roulette russe, trop ancien comme du papyrus, elle a remplacé le barillet par six copines dévergondées. Elle tire ailleurs avec ses artilleurs. Une chance sur six, et la gourmande que t'as tirée est ton offrande, est transformée en cheeseburger. Pas d'accord chez les tirailleurs. Ils l'ont viré, vitesse grand V, obligé de la récupérer. Sous condition, dans la cité, elle peut rester sans son dentier. Elle tire ailleurs avec ses artilleurs.